Tu es ok les gros? C'est du GTA, anonymat, un 7-6 côte merde cousin. C'est ici mon frère. T'as pas le mental mon gros. Ok, ça finit, tant pis. José mon checker, on t'écale. Y'a les keufs, on se croirait à Monte-Carlo. Consulte l'alphabet, il prend la lettre D du RER. Fini d'être à l'été gros, y'a des grosses vaches derrière le maire. Ça finit, tant pis. Dans ma ville, y'a des beaux paysages. Mais y'a aussi un décor pour des feuilles qui te dévisagent. Sauf Big Baltazar, du sens scrupule qui donne un coup de pouce. Aura français en dur grand en ce moment, qui se la coule douce. Ça finit, tant pis. Te dis salut, caresser le thé. Moi je tape dans les culs, je vais finir par caresser le thé. 7 sacré matricule, 1 7 6 quand j'articule. Je pratique un arc issu du BPM dans les particules. Ça finit le temps. Pour finir, ça vient de Seine-et-Marne. Chouf, sauf pique les faux frères comme au cinéma. C'est pour mes rêves du sang S gros. 1 7 6 quand tremeur. J'étais anonymat, les gars des heures, mais pas que tremeur. Encore une rafale, tu te fais danser le swing. J'écoute les MC, ils marchent tous avec un calage sous le sweat. Pop, moi je veux mon pif et tout de suite. On m'a dit, rap pour le ghetto, baisse pas ton froc pour une part du gâteau. Ici, après la pluie vient l'orage. L'amour s'est fait grosser par la haine et la rage. Les principes sous les pieds, nous on vit à la rage. Check, le seum contre l'insigne. Quand je remets mes lacets, le seum dans ma rime. Quand le micro la scène, c'est pour ceux qui errent entre les nids de ta mère et les intérimaires. Le majeur en l'air. Quand un gueule se fait bouiller, c'est pour ceux qui marchent de travers, un douce dans les souliers. Bref, c'est pour les miens, les mains sur la tête, c'est un braquage d'Avignien. Je rappe pour ceux qui gardent la pêche, qu'on découille entre les bœufs. Pour les rocs, il faut 22, pas pour ceux qui jouent les putes. Moi je m'amuse gros comme un môme dans la cour de récré. Moi je rappe, c'est par plaisir et non pas pour le succès. Peu importe vos avis sur moi-même ou mes confrères. Ça rentre par une, ça sort de l'autre, je trouve ça marrant, bien au contraire. Moi je rappe, c'est pour les proches, de la France à l'Algérie. Ceux qui mangent pas et qu'on la dalle, ceux qui ont pas de main pour où j'écris. J'en place une pour les poteaux, ceux fidèles au poste, on va des tours. C'est vrai qu'elles sont pas autres les nôtres, mais on s'en bat les couilles. Loin des poucaves, loin des crapules et des petites putes. Des malchanceux qui roulent dans la merde comme un rouleau de PQ. C'est pour ceux qui disent salam, pour la foi dans le cœur. À l'heure pour la salade, ceux qu'on peur que d'Allah. Et voilà, crois-moi, anonymat, ça reste bis. La DN Roax pour les poteaux de la street qui sont sous. Salut enchanté, sans le tosmar, faut s'en mettre dans la tête. D'un local, à local, trop énervé pour mes petites dents. Ce qui nous atteint, mal de vivre, un moral maladif. Des mots pleins, le crâne qu'on craque, un cœur contractile. Nos mères ont accouché, carambolage entre bien et mal. Voilà, je reprends la salade demain, j'ai trop mal yéma. En bas d'échelle, on fait pêcher, peu près, je le devrais. Dans le droit, on investit gros dans les diesels. Mon salaire sur le dos, dans un coffre, transpalette. Je pense pas l'aide des nouveaux riches sur la voirie. Y'a trop de poulettes, j'aime pas la justice. Elle porte l'insigne des poucas sur la balance. À la tendance à pencher sur la gauche. À gogo, on trompe leur goal, leur sarco brûle leur propos. Économes pour des tunnels, des réseaux et du matos dans leurs locaux. Mon salco, je représente tous mes poteaux. Si t'aimes pas ou t'en as trop, calme-toi et tu m'épouses. Ça y est, c'est reparti. J'fais fureur dans ta soirée, c'est que ça dans une rêve partie. Mec, c'est parti. C'est du CK dans tes tampons. Si tu meurs, tant pis. J'suis du TN avec ma capuche et ma paire de TN. Ça finit explosif comme de la TNT. Black Blamber, nique le FN, nique la FM. Je souhaite pas la bienvenue. Ok, 176, mec t'es KO. 77 représente Super Warriors. En mission pour tout niquer. Comme mes potes avec la Dynam. Avec la Dynam. Allume la mèche, faut que ça pète comme de la Dynam. Ok, Anonymat 91, Aden Roax. C'est dans un bad gros, la première fois où je me suis péta. C'est aussi dedans la première pipe faite par cette pétasse. C'est pu, aime la bite, c'est dans notre sperme qu'elle se baigne. Tandis que mon cœur se noie dans une larme orage interne. À croire que la poisse et moi nous formons qu'un. Cette salope elle n'est pas du genre imposé à lapin. J'écris dans le calme pour faire du son qui fait du bruit. Sache que la haine s'est répandue comme une épidémie. J'aurais pu céder à la tentation de shit de l'alcool. J'ai résisté, alhamdoulilah, y'a Roax qui m'épaule. La daronne stressée que je sors le soir. Elle me dit d'éviter les blêmes, mais il me colle, j'ai pas le choix. 91, les boucles de la street sont devenus accro. Au shit, à la tease, moi c'est au rap que je m'accroche. On squatte la galère, c'est typique de la cape que j'ai besoin. Anonymat sans le rap, non, ça serait comme Abdel sans son joint. Issu de la capitale de l'Essonne, Evry c'est une nouvelle ville. Là où les flics nous veulent vite et vite ou bien on voit le vide. D'où je viens, impossible que ta principale hall. Mais moi je les évite pour m'attribuer mon principal rôle. Des frères trim, s'infiltrant dans drôle d'affaires, je trouve. Mais sur les chaînes des frères 3, ils ont l'habitude d'en faire trop, de faire le tri. De nos gamins sans périculteurs, même pas 10 ans et déjà suivi de près par Rick Hunter.